amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, la radio locale et libre, libre et locale, les deux, hein. Et une seule radio qui fait des miracles, hein. Ouais, c'est la radiothérapie. Alors, ce soir, au programme de cette émission Mosaïque, une mosaïque d'enregistrement, divers et variés sur, par exemple, le 11 septembre 1973, coup d'État au Chili. Hein? Oui, c'était... Ensuite, Denis Robert, pas les beaux jours, c'est l'enfer qui vient. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon, état d'urgence outre-mer. Et puis, Mathilde Panot, une macroniste. Contre la dignité outre-mer. Ah, les macronistes contre la dignité outre-mer. Et puis les béatitudes, une secte aux portes du Vatican. Ouh, alors là, ça c'est un gros morceau. Hein. Ouh, oui. Les béatitudes, avec un B majuscule, hein, une secte aux portes du Vatican. Les sectes sont très à la mode en ce moment, hein. Les attentats djihadistes, machin, chose, hein, voilà, hein. Ah oui. Ensuite, Jean-Pierre Mariel nous dira la fessée, à sa façon, la fessée. Et puis une petite revue de presse, et voilà, et ce sera fini pour ce soir. Dans le camp nazi, on s'agite, on s'énerve, nerve, nerve, c'est pas marrant. Tout l'optimisme qui restait en conserve, serve, serve, affiche le camp. Les clameurs national-socialistes n'éviteront pas que bientôt toutes les fripouilles collaborationnistes se retrouveront sur le carreau. Ça vient et ça s'apprête, mais oui messieurs, vous l'avez dans le dos. Fini la chansonnette, la croix gammée, vous l'avez dans le dos. Ce que vous pourrez dire et faire n'empêchera rien, vous l'avez dans le dos. Car de toutes les manières, l'ordre nouveau, vous l'avez dans le dos. Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Par

Les mots vous lâchent, il est des moments où même eux vous lâchent. Au bas du monticule, qui ressemble à un mamelon, c'est ainsi que Beckett l'avait imaginé, avec elle, Winnie, dépassant comme un téton, son homme est assis de dos, il ne voit rien venir lui. Willy, bronze et maugré. C'est l'été, il est en costume de bain. On imagine que c'est un Français, normal qu'il râle, c'est un anti-vax ou un supporter de foot. Mais je m'égare. Étendu d'herbe brûlée, s'enflant au centre en petit mamelon, maximum de simplicité et de symétrie, lumière aveuglante, une toile de fond en trempe-l'œil, très pompier, représente la fuite et la rencontre au loin d'un ciel sans nuages et d'une plaine dénudée. Enterré jusqu'au-dessus de la taille, dans le mamelon, au centre précis de celui-ci, Winnie, la cinquantaine, de beaux restes, blonde de préférence. C'est ainsi que Beckett décrit son décor et son héroïne, une femme engoncée et emprisonnée qui habite l'espace par peur du silence et qui scrute l'horizon en attendant Godot que des hommes viennent la sortir de là ou la fin de l'histoire. Elle me fait penser à ma mère ou à moi en cette fin d'été qui ressemble à s'y méprendre à un milieu d'automne. Je ne voudrais pas le voir finir, mais se réchauffer. Je n'ai pas pris de vacances. Je veux dire, je ne me suis pas vidé la tête, comme disent certains de mes amis. T'as fait quoi en août? Tu t'es pas vidé la tête? Non. Me vider la tête, ça me fait peur. J'aurai la trouille de ne plus pouvoir la remplir après. Dans les questions qu'on m'a posées cet été, une autre est revenue en boucle. Et t'as pris quoi comme vaccin? Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Pfizer. Et ça t'a fait mal? Non, pas trop. Et c'est quoi ta bagnole? Non, j'ai pas envie de parler de bagnole. Viens, on regarde l'horizon. Tu ne vois rien venir? Tu n'entends pas les gens qui crient au loin? Je n'ai changé ni d'air, ni de paysage. Je suis resté en Macronie, pas loin de Metz, de sa cathédrale et de son maire de droite, occupé que j'étais par Blast, et un livre à finir qui va sortir bientôt. Bon, je suis de mauvaise humeur, c'est mon côté Willy. Au loin, quand je scrute, je vois surtout des flammes, des feux de forêt, des ouragans, des Grecs qui hurlent, des Algériens qui crament, des Brésiliens et des Indiens qu'on enterre, des avions qui fuient, peuplés de militaires en treillis et d'enfants en larmes. Je vois des talibans armés et des femmes cadenassées. Je vois des infos bidonnées à la force des Kalachnikovs. Je vois Kaboul qui fume et Biden qui frime avec son lifting du bas du visage. America first. Pour le coup, c'est plutôt America à la ramasse. America jeune taille. Les mots me lâchent. Putain de cauchemar. Good luck. Thank you. Dans le merdier ambiant, j'ai relevé que les talibans allaient devenir les propriétaires des plus grands gisements de lithium du monde. La demande va être multipliée par 40 dans les 20 années qui viennent. C'est une manne, comme le pétrole. Pas étonnant que les Qataris soient sur le coup. Là, des musiciens et des femmes se font massacrer, et donc la presse s'émeut. Mais ça ne durera pas. Les talibans vont avoir plein d'amis. Sauf à vraiment faire n'importe quoi, comme liquider ce musicien bon comme du pain qu'était Fawad Andarabi, le chanteur célèbre de la vallée d'Andarab. La musique qui est interdite, on le savait. Mais le lithium, je ne savais pas. Sans lithium, la transition écologique ici en Europe et les batteries partout dans le monde, on peut oublier. D'où l'importance stratégique de l'Afghanistan. Pour la drogue et le lithium, les talibans sont des dealers hors pair. Et pour le terrorisme, on nous explique que non. On nous explique que les talibans vont lutter contre Daesh aux côtés des Occidentaux. En gros, chez les méchants, il y a une gradation. On n'est pas obligé de les croire. Eux qui sont maintenant équipés d'armes américaines. Allez, hop. Un chef taliban vient de débarquer à Kaboul en provenance directe de Doha, le Qatar. La presse française s'en est-elle étonnée ? Que nenni. Elle était trop occupée à couvrir la venue de Lionel Messi racheté par ces mêmes Qataris, les patrons du PSG. Si, posté comme je suis sur mon mamelon, je prends des jumelles, je vois au loin ces Qataris tranquilles en train de m'envoyer des fucks. T'as vu, mec? T'as voulu nous planter avec tes documents sur la Coupe du Monde de foot? Ben nous, on t'emmerde. Et on emmerde la FIFA et la justice française et la Suisse et l'américaine. Qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les princes du désert. On a un bon public et de bons supporters. On va gagner, ça c'est juré. Non seulement ils ont financé la guerre en Libye, maintenant l'arrivée des talibans en Afghanistan, mais ils ont acheté la Coupe du Monde à à coups de bifton. On le sait, on l'a écrit, documenté. On est attaqué pour avoir osé publier nos documents. On écrit dans un désert à la Beckett. En plus, ils vont la faire, cette coupe. Et si les fouteux ont trop chaud, on ajoutera une clim, histoire de bien réchauffer la planète. Maintenant qu'on a aidé les talibans, tout le monde vient nous manger dans la main. Le Drian, Macron, Biden, Sarkozy, Poutine, les Chinois, Platini, même le Real et Fiorentino. On garde Mbappé, 200 millions, c'est que dalle. On a Messi, on a Neymar, on a deux gardiens de but de trop, les deux meilleurs du monde. On est opulents. Les Qataris m'énervent. On n'a pas dit notre dernier mot. On a des petits bras, mais des documents qui brûlent nos doigts. Le problème, c'est qu'on se sent un peu seul sur notre colline. C'est un appel que tu fais, là ? Ouais, carrément. C'est la rentrée, on démarre notre saison 2, on est open bar. On a besoin de mailles, on a besoin d'appui. On cherche nos mots et nos marques. En parlant de réchauffement climatique, moi j'aime bien Camille Lelouch. Surtout quand elle dit... Arrêtez de réchauffer climatiquement la planète. Ah, je me gondole. La fin du monde, elle arrive tranquille au calme. On est là, ouais, on va s'aimer. On va rien s'aimer du tout, on va tout scanner. On vous a dit, on arrête de polluer. On vous a dit, on respecte les gens. On vous a dit, on respecte tout. Vous voulez qu'on soit punis ou quoi? Arrêtez de réchauffer climatiquement la vie. J'ai peur. Oh, j'ai même pas d'enfant encore. Je vais pas mourir maintenant, s'il vous plaît. Respectez tout. Je sais, c'est mal, mais quand les mots manquent, il reste le rire. Et on n'a pas beaucoup d'occasions de se marrer face à la connerie, l'obscurantisme, l'intolérance. Les cons pullulent, non ? Remplacer le capitalisme par une bonne sieste. Remplacer Marine Le Pen par de la polenta. Remplacer Macron par des pelures de clémentine et Darmanin par un bouquet de persil. Remplacer Monsanto par rien. Les affiches du grand soulagement sont apparues en avril dernier dans différentes villes de France. Et cette semaine, à la une de Mon Lapin Quotidien, le meilleur journal du pays, le plus informé. C'est un programme de relaxation politique à objectif tendrement insurrectionnel. Merci à Quentin Fauconpré et à Cyril Pedrosa, ses concepteurs. One day we shall be called on one by one to recite what we've learned. And then books will be printed again. And when the next... Age of darkness comes, those who come after us will do again as we have done. Fin juillet, je suis allé au cinéma pour la première fois depuis des lustres. Je suis allé voir le film de Léos Carax, Annette. C'était une parenthèse enchantée dans un monde en vrac. En sortant, je l'ai écrit sur Facebook. C'était une bonne nouvelle. Donc j'avais utilisé le pass pour entrer au cinéma. Je n'étais pas un nazi pour autant. Ben si, je m'en suis pris plein la tronche. 800 commentaires, donc beaucoup de positifs, mais bon... Heureusement que je suis aussi vacciné contre la connerie. Il faudrait que je choisisse mon camp, parce que je ne vais pas hurler à la dictature à cause du pass sanitaire, parce que je considère la réforme contre l'assurance chômage ou la privatisation des retraites plus grave que ce pass sanitaire. Je serai un collabo, un nouveau soutien d'Emmanuel Macron. Je n'étais pas favorable à ce pass dans l'état dans lequel il a été fait, trop inégalitaire, ni à la vaccination obligatoire, ni même à la politique tout vaccinale promue par le Conseil scientifique. Je ne l'étais pas parce que lire et s'informer prend du temps et qu'on navigue en zone trouble. Aujourd'hui, le pass, comme le virus et ses variants, sont là. On est piégés. Depuis le début, on est piégés. Poussés par les labos, pressés de vendre leurs produits, on est parti dans une vaccination totale qu'on était incapable de mener. Là, le virus nous rattrape, il s'adapte. On doit donc augmenter les doses. Regardez ce qui se passe en Israël. On a créé un monstre et lancé une guerre d'usure où garder la tête froide est la condition minimale de survie. Le QI moyen de la population mondiale, qui a mécaniquement augmenté depuis la guerre, a diminué au cours des 20 dernières années. Le niveau d'intelligence, mesuré par les tests, diminue dans les pays les plus développés. L'explication principale serait la perte de vocabulaire, les mots qu'on cherche et qu'on ne cherche plus et qui disparaissent. Puis, l'évaporation des subtilités linguistiques qui permettaient de formuler une pensée complexe. La disparition progressive des temps, le subjonctif, l'imparfait, le futur, le participe passé, donne lieu à une pensée presque toujours au présent, incapable de projection. Plus le langage est pauvre, plus la pensée disparaît. Quelle belle chose que la destruction des mots. Pas vu la 10e édition du dictionnaire Smith ? Épaisse comme ça. La 11e sera encore moins épaisse. Oui, au fond, la révolution sera vraiment terminée quand la langue sera parfaite. Le secret, passer du traduire aux pensées directes, et de là en réponse automatique. Pas besoin d'autodiscipline. La langue venant de là, pas de là. Il faut relire Orwell et Bradbury. Comment construire une pensée déductive sans conditionnel ? Comment envisager l'avenir sans futur ? Comment capturer une succession d'éléments sans une langue qui distingue ce qui aurait pu être, ce qui a été, ce qui est et ce qui sera après ? Il faut sans cesse se jeter du haut d'une falaise et se fabriquer des ailes durant la chute, disait Ray Bradbury, l'auteur de Fahrenheit 451, le livre d'anticipation où des pompiers talibans brûlaient des livres pour effacer la mémoire des populations futures. What sort were these then, Montag? I didn't really look, sir. A little bit of everything. Novels, biographies, adventure stories. Oh, routine, eh? Why will they do it in sheer perversity? Quand je me penche et que je regarde en bas, dans les sables un peu mouvants, je vois des hommes qui s'ébattent et font du bruit avec la bouche. Blablabla, blablabla. Bla, bla. Ils ont peur, ils font peur, ils utilisent cette peur, ils pataugent dans cette peur. Éric Zemmour fait la grenouille, Éric Ciotti fait le bœuf, Philippe Val le veuf, ça c'est pour la rime. Benjamin Griveaux fait le journaliste. En bas, les youtubeurs sont toujours aussi cons et les géniards cathodiques pullulants. En bas, il y a des énervés du bulbe et Manuel Valls. Oh lui. Moi je m'appelle Manuel Valls. Il est content. Il a épousé une riche héritière, il vient d'écrire un livre, il quitte Barcelone et vient se vautrer chez son copain Patrick Drahi à BFM Télé. Crédibilité zéro, mais on s'en fout. Tout le monde s'en fout. Le cirque recommence. Il faut repartir au fight. Gérald Darmanin, lui, c'est le cas ultime. La cerise molle sur le Savarin moisi. Le nez de Pinocchio à vie. Dès qu'il l'ouvre, c'est pour s'arranger avec la vérité. Les quantités d'argent échangées dans ces points de deal, en bas des immeubles, près des écoles, près des commerces, c'est parfois 100 000 euros par jour. Et on voit bien que lorsqu'on a ce genre de fortune possible, d'argent sale, alors effectivement, les règlements de compte sont là. Vous l'avez entendu s'en prendre à la femme du gendarme Steger. Le gars tabasse sa femme, est condamné pour ça et il est promu numéro un des Pandores en Nouvelle-Calédonie. Darmanin, le petit gars de Tourcoing qui file des appartements contre des pipes, ah ouais. L'actuel ministre de l'Intérieur nous explique ensuite que la femme du gendarme était violente aussi. Blablabla, blablabla. Bla bla. Crédibilité zéro, pire que Valls. Et sur Marseille et les dealers, il invente des stats pour justifier sa politique. Comment voulez-vous qu'un dealer qui gagne 100 000 euros par jour arrête son business pour vendre son shit légalement, par jour, 100 000 euros. Pendant ce temps, des enfants meurent et les narcos continuent à se rincer. Cet aveuglement tue. Ce serait tellement plus simple de libéraliser et de contrôler la vente du cannabis. Partout où on a essayé, ça a marché. Les trafics ont reculé. Au Colorado, au Canada, aux Pays-Bas, en Suisse. La France est devenue le pire pays du monde, ou pas loin, en matière de politique liée aux drogues. Dans un jeu vidéo, Gérald Darmanin se serait fait pulvériser 100 fois, mais pas dans la vraie vie. Emmanuel Macron a besoin de lui, paraît-il, pour séduire sa droite. À croire qu'ils sont vraiment plus cons que la moyenne à droite. Mais passons. J'ai regardé beaucoup de films cet été. Hier, j'ai revu Mathieu Amalric dans Les derniers jours du monde, diffusé sur Arte. Je l'avais vu à sa sortie et je m'étais un peu emmerdé. Je trouvais que les frères Larieux en faisaient trop avec les hommes qui mouraient d'une curieuse épidémie, ces explosions partout. C'était foutraque. L'histoire, c'est un mec qui se tape des nanas pendant 2 heures sur fond d'épidémie et de guerre civile. C'est la fin du monde et autant se lâcher avant de crever. Bah ouais, quoi, c'est la fin du monde. Et là, hier, je me suis surpris à aimer ce film. Et Carine Viard, que j'aimais déjà avant. Il s'est passé 13 ans et pas mal de choses depuis sa sortie. Des attentats, une pandémie, des Qataris, Macron. Revoir le film aujourd'hui, trouble. La fiction ici est plus forte que le réel. C'est dur de s'y confronter en permanence, comme on le fait à Blast, avec nos petits bras. Si vous aimez nos programmes, si vous voulez mourir en moins con, merci de vous abonner. Pour les fauchés, c'est sur YouTube ou sur Facebook. Pour les autres, en lâchant 5 euros par mois sur le site, où chaque jour, nous publions des papiers en accès libre. Espérons que ça dure. Ce qui est terrible en cette rentrée 2021, c'est cette répétition de l'histoire, en permanence, avec chaque fois un crescendo dans la violence, la connerie, l'oubli, l'angoisse du lendemain, la dépossession. J'adore ce mot, car il correspond à ce que je ressens, à ce qui nous arrive, dans les usines, les écoles, les champs, les vignes, dans l'industrie, le sport, la culture, les services publics, les médias. Nous sommes dépossédés. On décide pour nous. Notre territoire et nos libertés se réduisent. Le monde se privatise et on cherche des issues. Comme Mathieu Amalric ou Madeleine Renaud. Pauvre Willy. Plus pour longtemps. Enfin, rien à faire, petit malheur. Encore un. Sans remède. Aucun remède. Winnie interpelle Willy. On est au début de la pièce, juste après qu'elle lui ait dit que les mots lui manquaient. Elle cherche une réponse, mais il se tait. Alors elle crie « Pas vrai, Willy, que même les mots vous lâchent par moments ? Qu'est-ce qu'on peut bien faire alors pour qu'ils reviennent ?» Et Willy s'effondre, abattu par le soleil et la logorée de sa femme. Alors Madeleine, alias Winnie, énumère ce qu'elle pourrait faire. Se coiffer, se faire les ongles, voir venir. Cette scène, ce fantôme de vieille dame qui revient et explore le mystère des mots, c'est ma Madeleine de Prout à moi. Je sais, c'est une vanne pas spécialement drôle. Ce souvenir de théâtre est douloureux car Madeleine n'est plus. Douloureux, mais en même temps léger comme l'air qu'on respire. Elle cherche ses mots comme je cherche les miens. Tu ne vois rien venir ? Si, mais parfois, les mots me lâchent et me font la gueule. Ce que je sens venir d'abord, c'est une sale odeur qui flotte. Vous sentez comme ça pue ? Pourquoi vous et moi, on n'est pas dealeuses ? Pourquoi est-ce qu'on est là ? Genre, à un moment, il y a des choix qui sont faits. Vous la menacez de publier les textos qu'elle vous a envoyés ? Non, mais pour le reste, c'est ridicule, voilà. C'est une bonne nouvelle. C'est toujours bon de se rencontrer, de se parler. Merci Christine. Merci, c'est magnifique. Merci. Pensez à nous ce soir quand vous ferez la fête. Très bien, merci tout de beaucoup. Suite, on laisse Pascal Pro. Voici à quoi ressemblent les grands fonds marins en Méditerranée. Allez, salut. Nada le casanto cuchisuke shita iwa. Président, ministre, rapporteur, collègue, je crois qu'on peut enlever le masque, Président. Oui ou non? Mais tu devrais bien enlever le tien, tiens. C'est pas le drapeau français que tu as sur la bouche. Plaisante, hein. Je disais, ministre, rapporteur, collègue, la motion de rejet est le seul moyen dont nous avons conclu que nous disposions pour vous dire notre indignation sur la situation qui prévaut dans les outre-mer français et les conditions qui ont rendu possible une telle situation. Nous ne croyons pas que le variant Delta soit l'unique cause et même peut-être même pas la cause principale de l'extraordinaire taux de contamination qui s'observe sur les territoires dont nous traitons aujourd'hui. Nous croyons tout au contraire que c'est le crash social qui a rendu possible le crash sanitaire. Et nous avons observé déjà ici sur le territoire de l'Hexagone que les cartes de la misère correspondaient le plus souvent aux cartes de la contagion et de la mort. C'est la première fois du mandat qu'un projet de loi concerne exclusivement tous les outre-mer et uniformément, en dépit de leurs différences géographiques évidentes, des conditions naturelles évidentes qui les séparent, et même des taux d'incidence de la contamination qui varient de l'un à l'autre de 1 à 10. Et même, pour être encore plus clair, sur les 13 départements où le taux d'incidence parvient au seuil d'alarme, 3 seulement sont dans les Outre-mer. Mais les Outre-mer donnent lieu à une décision particulière, celle de reproduire la possibilité du couvre-feu et du confinement, parce que ce sont les deux seules mesures qui sont impliquées par la loi sur laquelle nous avons à nous expliquer. Et c'est contre cette limite précisément que nous nous prononçons et que nous vous proposons de rejeter la loi pour obliger à une discussion d'ensemble qui nous permette de prendre l'ensemble des éléments en compte de la réalité des départements et territoires d'outre-mer, parce que sinon, il faut le savoir. S'inscrire dans ce cadre, c'est décider de voter une fois de plus un confinement sans fin et sans moyens, de telle sorte que, quels que soient les développements du futur, nous retrouverons à chaque vague de contamination, à chaque variant, une spécificité aggravée dans les outre-mer, aussi longtemps que l'on ne change pas les conditions qui y prévalent. Alors, bien sûr, on doit saluer l'effort de ceux qui se battent. Bien sûr, il est remarquable que 2000 professionnels soient venus donner en renfort à ceux qui se trouvaient sur place, sans oublier que ces 2000 professionnels sont prélevés sur les postes qui existent dans l'Hexagone. Mais enfin, le geste, l'attention vaut la peine et nous fait devoir à nous autres parlementaires de savoir que les problèmes de l'outre-mer ne sont pas réservés aux ultramarins. C'est à la collectivité nationale tout entière de les prendre en charge et de les exprimer. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre groupe a décidé que ce soit son président qui s'exprime sur le sujet, plutôt que tel ou tel, même s'ils s'exprimeront tout à l'heure dans notre débat. Je crois que l'essentiel est quand même de prendre la mesure de la situation dans laquelle vivent nos compatriotes. La Guyane est en état d'urgence depuis le 17 octobre 2020. L'état d'urgence qui devait se finir le 30 septembre est prolongé jusqu'au 15 novembre et on anticipe la possibilité qu'il soit déclaré à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, et vous nous avez annoncé à l'instant, Monsieur le Ministre, qu'il fallait y procéder sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie dès à présent. Bien, le territoire de la Nouvelle-Calédonie, par la force des choses, vous devez consulter le Congrès du territoire, c'est dans la Constitution. Mais on pourra se poser la question de savoir pourquoi toutes ces mesures ont été prises sans qu'on entende le son de la voix des assemblées locales qui nous fassent connaître comment elles apprécient les raisons pour lesquelles nous sommes dans cette situation dans les Outre-mer. Je n'en fais pas le reproche aux assemblées, je sais comment ça fonctionne. Je suis moi-même membre d'une assemblée, celle-ci. Et bien sûr, à chaque fois, je dépends, comme les compatriotes d'outre-mer, des décisions du Conseil de défense et du président de la République et de lui seul. On ne peut pas dire que la situation des Outre-mer n'était pas prévisible et que l'aggravation de cette situation n'était pas prévisible. J'y insiste parce que c'est ce qui explique pourquoi nous sommes si mécontents de voir que tout d'un coup ont surgi en aggravant sans cesse l'état de confinement et de couvre-feu permanent. Nous-mêmes, les Insoumis, nous avions fait un rapport, une commission d'enquête, à la fin du premier confinement. Et nous avions une section dédiée aux Outre-mer qui prévenait de la possibilité d'un effondrement sanitaire très grave. Mais si l'expression d'un mouvement politique vous paraissait insuffisante ou bien par a priori à éliminer, notez qu'en juillet 2020, l'eurodéputé insoumis Younous Omarjee, président de la commission des régions du Parlement européen, avait écrit directement au Premier ministre pour l'alerter et lui demander un plan d'urgence pour les Outre-mer. Il est vrai qu'à l'époque, nous nous trouvions les seuls à annoncer qu'il y ait une troisième puis une quatrième vague et qu'on se gossait de nous à ce sujet. Puis en octobre 2020, ce fut le député insoumis de la Réunion, Jean-Hugues Ratenon, qui a écrit au ministre des Outre-mer vous-même pour l'alerter sur la situation de manque de personnel médical et l'affaiblissement, comme il le disait, de la solidarité nationale vis-à-vis des ultramarins. Alors, allons droit au but. C'est la situation de crash social dans les Outre-mer qui explique l'ampleur des destructions de vies qui y ont lieu et des contaminations. Mais je veux d'abord répondre à cette affaire de l'insuffisance de la vaccination. La première question qu'il faudrait se poser, ce serait pourquoi ? Et pas de montrer du doigt les populations en les rendant coupables. Celui qui vous parle est vacciné. Et je crois au vaccin. J'en connais la limite. Je sais qu'il ne me prémunit pas à 100%, mais qu'il réduit si considérablement le risque que j'ai fait le choix, en conscience, de me vacciner, de le recommander à ceux qui me posent la question, pour cette raison simple, humble, d'être humain dans ses doutes, qui dit « ça réduit considérablement le risque, donc ça vaut la peine ». Mais je ne me prononce pas scientifiquement ou médicalement. Il y a longtemps que ma famille politique a cessé d'avoir des idées politiques sur la science. Sur la recherche, oui. Mais sur la science, tout le monde connaît les dangers qu'il y a à demander aux politiques un avis sur la science. Donc, j'ai peut-être un avis personnel, mais je ne l'exprimerai pas. Je sais seulement que le vaccin réduit le danger, et donc, je le recommande à ceux qui m'interrogent. Et je m'efforce de les convaincre avec l'argument rationnel que je viens de vous présenter. Pour autant, ça ne veut pas dire que je cesse quoi que ce soit, comme mes collègues, de mon opposition au pass sanitaire, c'est-à-dire à toutes les mesures de restriction des libertés. Et là, je vais vous dire directement, ça ne sert à rien, vous ne nous préparez pas à la suite des événements. Les causes des pandémies sont maintenues toutes. Les causes des pandémies, c'est la zoonose. La zoonose, c'est la transmission des virus des animaux qui passent aux animaux domestiques et des animaux domestiques aux êtres humains. Cette chaîne de la contamination ne sera rompue que si l'on renonce à certains types d'élevage, d'une part, si l'on renonce à la destruction des habitats naturels. C'est-à-dire que la cause, si elle est virale à un moment, est écologique et enfin, elle est sociale. La carte de la misère et la carte de la contamination. En Guadeloupe, comme en Guyane, il est impossible, comme à Mayotte, d'accomplir un certain nombre de gestes barrières pour une raison fort simple. Il n'y a pas d'eau dans toute une série du territoire, dans toute une part considérable du territoire. Il est donc impossible de procéder aux gestes barrières de l'eau, qui se font avec de l'eau. Et cela vaut non seulement pour les particuliers, mais parfois même pour les hôpitaux et pour toutes les autres structures. Ce qu'il nous faut alors, ce n'est pas confiner, c'est venir avec des pelleteuses, creuser des trous et y mettre des tuyaux pour que l'eau passe. Eh bien quoi, la France n'est pas capable de le faire, n'est pas capable de décréter un état d'urgence qui règle radicalement. Et d'un seul coup, cette question, ce n'est pas en confinant qu'on va améliorer la limitation de la contamination, c'est le contraire. Quand on est dans un habitat surpeuplé, alors on se contamine davantage. Et précisément, les Outre-mer sont le haut lieu, d'une manière inacceptable par nous tous ici dans cet hémicycle, chaque fois que nous en sommes rendus témoins, inacceptable de surpeuplement, de taudis et d'un logement indigne qui fait que nous sommes tous scandalisés quand on nous en envoie les images ou quand nous les voyons nous-mêmes. Non, ça c'est pas la France. Mais la France est capable de faire en sorte qu'au moins, quand c'est l'épidémie, on puisse isoler, dans des conditions de dignité personnelle, les personnes qui sont malades, de manière à ce qu'elles ne contaminent pas tous ceux qui partagent l'habitat surpeuplé dans lequel ils se trouvent. Il y a depuis maintenant longtemps, et c'est pourquoi j'ai parlé de l'alerte il y a un instant que nous avions lancée à temps, un sous-équipement médical qui fait que ces départements d'outre-mer sont ceux qui sont les pires déserts médicaux de la France, que l'équipement en lit d'hôpital est le plus faible. Vous venez de nous annoncer 130 lits, dites-vous, aujourd'hui, à la Guadeloupe, où il y en avait, jusqu'à une date fort récente, 32. Eh bien, monsieur le ministre, je ne vous en fais pas le reproche personnel, mais tout de même, l'hôpital de Nantes, pour une population équivalente, en a 200. Pourquoi 200 ici, 33 là-bas? Et bien sûr, si on est monté à 130, tant mieux, mais compte tenu de l'ampleur de la crise, c'est bien plus haut qu'il faut monter. Je crois avoir donné assez d'exemples à cet instant pour qu'on m'ait bien compris sur cette situation. Alors, oui, il y a une responsabilité de la décision politique. Vous nous avez décrit, je crois, sans doute objectivement, l'ampleur de la crise. Vous nous avez décrit les efforts que, sur le moment, il a été possible de faire avec l'appel à tel ou tel personnel. Mais ça ne touche à aucune des causes structurelles de la pandémie et de la contamination sur ces territoires. Aucune. Nous n'aurons qu'une chose à faire si ça se dégrade, c'est reconfiner et re le couvre-feu et re ce mode de vie qui est insupportable. Enfin, pour ce qui concerne la vaccination, monsieur le ministre, là encore, ce n'est pas votre responsabilité personnelle, mais pour quelle raison en Guadeloupe et en Martinique n'a-t-on pas confiance? Pour quelle raison? Alors, bien sûr, nous avons vu un crétin galonné venir sur un plateau de télévision expliquer que c'est parce que les Martiniquais croyaient au vaudou. Alors, fort heureusement, la chaîne de télévision, qui n'était nullement responsable de cette sottise, a présenté des excuses et je veux l'en féliciter pour l'avoir fait. Mais enfin, pourquoi? Parce que ce sont les départements où l'on a continué à permettre l'utilisation du chlordécone, alors que tout le monde savait dans les autres pays que c'était meurtrier. Et depuis, il y a une culture de la défiance, collègues, on le croit ou on ne le croit pas, mais il y a une culture de la défiance qu'il faut lever avec la patience de la pédagogie, de l'aller vers, rencontrer les gens, comme par exemple le font nos collègues espagnols qui ont mis cette méthode au point. Eh bien, faisons-en autant. Et puis après, il faut arrêter de faire de l'idéologie là où il n'y a pas lieu qu'il y en ait. Parce que nous autres, Français, nous devrions être en ce moment à la rescousse des autres, et notamment de ces malheureux Haïtiens à qui nous ne pouvons donner qu'une aide finalement assez superficielle, alors que la France est en dette pour toujours devant Haïti à cause du sort que nous lui avons fait subir dans le passé et dont les remboursements se sont étendus jusqu'à 1982, puisque c'est jusqu'à 1982 que Haïti a dû compenser le prix des esclaves qui n'étaient pas là. Je crois, mes chers collègues, que ce que je dis à cet instant mérite mieux que des invectives. Vous pouvez me faire des gestes dédaigneux, ils seront vus par les Outre-mer et qui connaîtront leur hauteur. Je participe à un débat avec vous. J'essaye de me faire comprendre, de me faire entendre. Je raconte la situation qui est celle de l'Outre-mer. Et cette situation n'est pas acceptable. Et il ne faut pas faire de l'idéologie dans la manière de combattre dans la crise sanitaire. Nous avons des voisins dans les Caraïbes. La France des Caraïbes a des voisins avec lesquels elle peut travailler. Les uns pour les aider, Haïti, les autres pour s'entraider, je pense ici à Cuba. Dans l'océan Indien, nous avons des responsabilités à l'égard de toutes les nations qui nous regardent. Il faut que Mayotte soit une avant-garde dans la manière de traiter les problèmes radicaux qui s'y posent. Il faut aider de toutes nos forces, quelle que soit la couleur politique des élus, ceux qui s'y trouvent, pour qu'on règle cette crise. Parce que si nous la réglons, alors nous ferons la démonstration de ce que valent les méthodes, les valeurs, les principes de la République française en face d'un continent tout entier qui la regarde et s'interroge sur son futur. Nos propositions, c'est qu'on commence à construire là où ça va le plus mal, la société du roulement qui permet le changement des horaires d'accès, la société de la fin du surpeuplement en organisant méthodiquement la séparation de ceux qui doivent l'être, en proposant des logements, car nous sommes capables d'en construire à toute vitesse et d'en installer partout à toute vitesse. Nous devons organiser la compréhension qui permet la vaccination. Nous devons installer dans toutes les salles de classe des purificateurs d'air, des appareils de mesure du CO2, là-bas plus qu'ailleurs. La France le peut. Ce n'est rien à faire. Ce sera merci un coup. Merci de conclure, M. le Président. Il est 4... Oui, ben 14 minutes 59, dis donc, tu me rates pas. 15 toi, maintenant. Bon. 15. Alors, j'ai droit à 15 minutes et je terminerai sur ces mots. Je vous invite à ne pas voter cette loi pour qu'une autre soit votée. Merci, Monsieur le Président. De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, des genêts de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette air de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo, tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes, ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui fait toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle, elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France. Monsieur le ministre, allez-y, déjà, je pense qu'on va commencer par mettre les choses à plat. On va éviter les effets de manche en disant que nous découvrons et que nous commençons à parler de l'eau. Je rappelle que notre groupe parlementaire a commencé dans notre première niche parlementaire à faire une demande de loi, une proposition de loi constitutionnelle pour inscrire le droit à l'eau dans notre Constitution, que nous avons fait une mission d'information sur les conflits d'usage de l'eau, une mission d'information sur la qualité de la ressource en eau, et que nous avons pris sur notre droit de tirage pour faire une commission d'enquête sur la question de l'eau, dans laquelle nous avons passé plus d'un tiers de nos auditions sur la question de l'outre-mer. Ceci étant dit, je veux redire ici avec force, et ces amendements sont très importants, et je voudrais que vous y répondiez vraiment. Je voudrais redire que la première mesure sanitaire, ce n'est pas une mesure de restriction de liberté, mais la première mesure sanitaire, c'est bien de faire en sorte de garantir le droit à l'eau et à l'assainissement. Or, vous le savez, en Outre-mer, c'est l'endroit où nos concitoyens et concitoyennes sont en première ligne d'un droit à l'eau bafoué. Comment voulez-vous freiner la propagation d'un virus lorsque vous ne pouvez pas vous laver les mains, lorsque vous n'avez pas d'accès à l'eau chez vous. Nous avons fait dans cette commission d'enquête, notamment avec le collègue Olivier Servat qui en était rapporteur, de nombreuses auditions sur cette question. Il y a d'abord Mayotte, qui est un des amendements que nous présentons ici. Mayotte, où je crois que la situation de l'eau est la plus grave de toute notre République française. 31,5% des familles à Mayotte n'ont pas l'eau courante. Quand ils ont l'eau courante, les familles mahoraises consacrent 17% de leur budget pour honorer leur facture d'eau, alors que, vous le savez, 90% des Mahorais vivent sous le seuil de pauvreté. 4 logements sur 10 sont en tôle. 57% des logements sont surpeuplés. À La Réunion, qui est le premier des amendements, à La Réunion, vous avez une ressource en eau abondante, mais avec un problème énorme de qualité de l'eau. 46% des usagers à La Réunion sont alimentés par des réseaux qui ne garantissent pas une sécurité sanitaire suffisante. 5% sont alimentés en eau avec des risques sanitaires avérés cette fois-ci. La Martinique, où en plus de l'empoisonnement au chlordécone, vous avez des restrictions et des coupures d'eau tournantes qui sont le quotidien de ses habitants. Eh bien, ce que nous demandons avec cet amendement, alors tout à l'heure, le président Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il fallait refaire et rénover les réseaux d'eau et d'assainissement d'urgence. Il a raison. En France, dans notre pays, la consommation annuelle de 18,5 millions d'habitants part en fuite, ce qui est non seulement un gaspillage d'eau énorme, mais qui bafoue la dignité de tant de nos concitoyens et concitoyennes qui n'ont plus d'eau au robinet. Je vais terminer là-dessus, Monsieur le Président. La première des choses à faire, la première mesure d'urgence, évidemment qu'il faut commencer à rénover maintenant, mais la première des choses d'urgence, c'est que nous demandons, lorsqu'il y a un état d'urgence sanitaire, eh bien qu'à minima, nous déclenchions le plan hors sec eau potable qui permet de distribuer des bouteilles d'eau potable aux populations qui n'ont pas accès à l'eau courante. Et la deuxième des choses, qu'il y ait impérativement, et surtout dans les territoires qui ont été empoisonnés au chlordécone, qu'il y ait impérativement eh bien, des planchers qui soient mis sur les prix avec un encadrement des prix des bouteilles d'eau qui est un coût insupportable pour nos concitoyens et concitoyennes ultramarins. Ce que je propose avec cet amendement, et c'est sur quoi la majorité vient de voter contre, c'est de demander qu'en temps d'épidémie, pour des gens qui n'aient pas accès à l'eau, l'État fasse en sorte qu'on donne des bouteilles d'eau à ces familles et qu'il y ait un prix maximal qui soit imposé aux producteurs sur les bouteilles d'eau en plastique. J'ai pas l'impression de demander quand même quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, lorsqu'il y a une inondation, lorsqu'il y a une tempête, eh bien l'État le fait déjà. Ne sommes-nous pas dans une situation absolument exceptionnelle? Avec, vous l'avez rappelé, Madame Bénin, une situation insupportable de familles endeuillées, de gens qui sont en train de mourir. Eh bien, c'est ça dont on est en train de parler. Nous le savons toutes et tous. L'eau est la première chose à faire. Le droit à l'eau est la première des mesures sanitaires à mettre en place pour justement freiner l'épidémie et pour justement sauver des vies. C'est ce que nous demandons. Et là, je suis sur le cas de la Guadeloupe, que j'avais mis un peu à part parce qu'avec la commission d'enquête, nous y avons passé 10 jours. En Guadeloupe, nous sommes dans une situation où les soignants, et d'ailleurs plusieurs d'entre vous l'ont dit, où les soignants expliquent qu'ils sont obligés de trier leurs patients, que l'hôpital est devenu un mouroir, qu'ils sont obligés parfois de laver leurs patients avec de l'eau de Cologne, faute d'avoir de l'eau. Nous sommes dans une situation où des familles n'ont pas accès à l'eau. Ils sont en tour d'eau permanent, avec des tours d'eau qui ne fonctionnent même plus et certaines personnes qui sont même pas raccordées à cette eau et qui n'ont pas accès à l'eau. Nous sommes dans un territoire où vivent près de 400 000 de nos compatriotes, et je vais terminer dessus, et où il n'y a en temps normal que 27 lits de réanimation quand une ville comme Rennes en compte plus de 200 en cette période d'épidémie pour moitié moins d'habitants. Je vous implore d'écouter ce que demandent les collectifs et les associations. Il faut impérativement garantir le droit à l'eau sur ce territoire pour faire en sorte que nous freinions vraiment l'épidémie. J'ai rencontré ce matin, devant la haie de mon champ, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonque. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée. Mamie dit que c'est folie d'aller faire la guerre aux Francs,

et vivent sous le même toit. Au total, les béatitudes regroupent 150 prêtres, 400 religieuses et frères, et surtout des milliers de fidèles et de donateurs. Le fondateur s'appelle Gérard Croissant. En 1973, il a 24 ans. Il est étudiant en théologie. Un soir, il est en train de dîner dans une pizzeria lorsqu'il a une révélation. Il a le sentiment que Dieu l'appelle à créer une communauté religieuse. Gérard Croissant décide alors de se faire appeler Frère Éphraïm, un prénom hébraïque tiré de l'Ancien Testament. En 1978, il est ordonné diacre. Il n'est pas prêtre à part entière, mais il a le droit de célébrer certaines cérémonies. À ce titre, l'Église attend de lui une conduite irréprochable. Les fidèles commencent à affluer en grand nombre. Pour eux, Éphraïm est un saint, un prophète envoyé par Dieu. Mais le fondateur est également un homme d'affaires avisé, qui gère sa petite entreprise. Nous avons pu nous procurer une cassette interne, jusqu'à présent jamais diffusée. En 1995, Éphraïm réunit les personnes les plus importantes des Béatitudes et la réunion tourne surtout autour d'une question fondamentale, l'argent. Le chiffre d'affaires, entre guillemets, global de la communauté par an est énorme. Je dis bien énorme. Comment demander au Seigneur de nous exaucer sur le plan matériel ? Très vite, les béatitudes deviennent une puissance économique. La communauté se constitue un joli patrimoine immobilier. Rien qu'en France, on compte une vingtaine de propriétés comme Cordes, un couvent estimé à 1 200 000 euros, Château Saint-Luc, une propriété estimée à 500 000 euros. Le château de la Carrière, offert en 1995 à Éphraïm par un généreux donateur, il sera revendu quelques années plus tard, valeur estimée 1 500 000 euros. Il y a toujours eu beaucoup d'argent aux béatitudes. En plus des biens qui sont achetés, la communauté construit de nombreux lieux de culte. Sur le site de l'un des architectes qui travaille pour la communauté, on peut voir quelques-unes des sommes investies par les béatitudes. Rénovation de l'abbaye d'Autré, 480 000 euros. Construction de l'église de Nouhans-le-Fuselier, 880 000 euros. Construction du monastère de Bangui en Centrafrique, 3 200 000 euros. Et les affaires marchent bien. En quelques années, la petite structure familiale va se développer de manière tentaculaire en France et dans le monde entier. De Rome à Buenos Aires, en passant par l'Afrique, cette organisation s'implante dans 30 pays, mais c'est surtout en France qu'elle déploie sa puissance. Au total, on compte 22 centres dans l'Hexagone. Impressionnée par ses vocations en grand nombre, l'Église se montre bienveillante. Éphraïm est même reçu à plusieurs reprises par Jean-Paul II. En l'an 2000, les Béatitudes réunissent leurs fidèles à Rome, sur la place Saint-Pierre et dans l'église de Trinità del Monte, un lieu hautement symbolique. Voici un enregistrement encore jamais diffusé de la messe où plus de 3000 fidèles sont présents. Éphraïm savoure sa réussite. Nous voyons aujourd'hui à Rome, ces jours-ci, la communauté dans sa splendeur. Et nous célébrons ses fruits, ses réalisations. Nous avons vu hier toutes ces maisons qui ont poussé comme des champignons. Éphraïm est considéré comme un saint, un prophète. Mais à partir de 2007, la belle mécanique va se dérégler. Certains de ses disciples l'accusent de mener grand train et de s'enrichir personnellement. Nous sommes dans un monastère du sud de la France. C'est là que nous avons retrouvé un ancien membre des Béatitudes. Alain Legros a été le tout premier frère à prendre l'habit. Il a particulièrement bien connu Ephraïm, car il fut son homme à tout faire durant 35 ans. Il témoigne aujourd'hui des frasques du fondateur, de son vrai nom, Gérard Croissant. Gérard Croissant avait besoin de voitures assez confortables. Gérard Croissant n'hésitait pas à acheter un bateau, un deuxième bateau, un troisième bateau. Gérard Croissant n'avait aucun scrupule à être dans le luxe. Au fil du temps, l'image du fondateur se fissure de plus en plus. Car si Ephraïm aime l'argent, il aime aussi les femmes. Il s'autorise des relations sexuelles avec ses disciples, de jeunes religieuses. Ces scandales de mœurs vont conduire le Vatican à révoquer Ephraïm en 2007. Il avait fait vœu de chasteté, Ephraïm. Ça va que vous me posez la question. Il avait des liaisons, Ephraïm. Il en a eu. Et vous n'en parliez pas au dehors? Non. Ah ben non, non, non. Là, il y avait la vitrine à protéger. Hein. J'ai protégé la vitrine des années. C'est un malade, c'est vraiment un malade. Et en plus d'être un malade, c'est un obsédé sexuel. Difficile d'en savoir plus, tant ces affaires sont restées secrètes. Nous sommes parvenus à retrouver une ancienne adepte qui a recueilli les confidences d'Ephraïm. Cette fidèle préviendra l'archevêque de Marseille, Monseigneur Coffi, aujourd'hui décédé. Il lui donnera l'ordre de garder le silence. De nombreuses religieuses ont fini dans le lit d'Ephraïm. Mais son ancien homme à tout faire lance une accusation encore plus grave. Un détournement de mineur. Il a eu des liaisons, même avec une mineure. Pendant ce moment-là, moi j'étais avec les parents dans une des maisons de la communauté, donc les parents de cette fille, qui étaient au courant. Et un jour, ils me disent, on ne sait absolument pas comment faire pour retirer notre fille des mains de cet homme. À partir de 1992, on rapporte qu'Ephraïm vit avec sa jeune maîtresse dans ce château, à l'intérieur duquel il aurait fait aménager de luxueux appartements. Nous avons fini par retrouver la mère de cette très jeune fille. Elle a accepté de nous répondre brièvement par téléphone. Et la relation avec Ephraïm, c'est quelque chose qui a commencé quand elle était mineure déjà. Oui. Ouais. Oui, elle avait 16 ans et demi. Elle a dû rester 7 ou 8 ans avec Ephraïm. 7 ou 8 ans. Mais il en avait sûrement d'autres en même temps qu'elle, hein, pour pas se leurrer. Et je n'ai rien pu faire, ni rien pu dire, parce qu'elle m'avait dit, maman, si tu en penses, je me suicide. J'étais comme un gourou, ni plus ni moins. Pour cette affaire, Ephraïm n'est pas inquiété par la justice. La mère de la jeune fille fait encore partie de la communauté, donc pour elle, pas question de porter plainte. Ce qui s'est passé entre votre fille et Ephraïm, c'est un détournement de mineur, donc c'est quand même quelque chose qui est très grave. Tout ça, ça a été écrit à l'évêque, etc. Femme est au courant, femme est au courant de tout ça. Comme on dit, on lave le linge sale en famille. Donc je ne vois pas pourquoi vous, étant en dehors de la communauté, vous voulez avoir des renseignements là-dessus. Durant 30 ans, Rome a gardé le silence sur ses frasques sexuelles. Mais pour le Vatican, ses affaires de mœurs avec des religieuses sont un blasphème. Ephraïm, qui se présente comme un prophète, inspiré par le ciel, a transgressé un interdit absolu. En 2007, dans le plus grand secret, au sein d'un tribunal religieux, le Vatican révoque Ephraïm. Il n'est plus diacre. Il lui est dorénavant interdit de participer à la célébration des offices. Cette sanction est définitive. Le fondateur, âgé de 60 ans, disparaît alors dans la nature. Ephraim ne fait officiellement plus partie des Béatitudes, mais son influence reste considérable au sein de la communauté. Et aujourd'hui encore, ses fidèles ignorent tout des sanctions que Rome lui a infligées. Nous avons voulu entrer au cœur des Béatitudes. Direction Cordes-sur-Ciel, là où l'histoire de la communauté a commencé. Nous expliquons être catholique pratiquant et vouloir entrer aux Béatitudes. Après avoir longuement insisté, nous sommes enfin acceptés pour un séjour d'une semaine. Nous nous y rendons en caméra cachée. Dès notre arrivée, nous nous fondons parmi les fidèles. Une messe vient de commencer. Les offices sont d'inspiration charismatique. Les fidèles chantent et dansent. L'ambiance est festive et recueillie. Les offices religieux s'enchaînent. Dès la première journée, nous assisterons à 4 célébrations. Autour de nous, 3 prêtres, 25 religieuses et des familles avec des enfants. Ces 40 personnes vivent ici à l'année. Ils consacrent leur vie à Dieu, travaillent et prient toute la journée. Après 5 heures de prière, on nous conduit vers le réfectoire. Nous mangeons en silence, sous le regard de sœur Bénédicte, la bergère, c'est-à-dire la responsable de la communauté. Comme toutes les religieuses, les habits qu'elles portent n'ont pas de réelle valeur aux yeux de l'Église, car la communauté n'est pas encore reconnue par le Vatican. Les adeptes sont de simples laïcs qui ne devraient pas s'habiller en religieux. Après le déjeuner, nous suivons le groupe de fidèles pour un chemin de croix autour du bâtiment. Nous profitons d'un moment de tranquillité pour poser quelques questions sur le fondateur. Ici, personne n'a vu Ephraim depuis 2007, mais son seul nom suffit à provoquer l'enthousiasme. Ephraim, il était comment ? Il était capable d'aller dans une maison. Alors là, c'était la révolution dans la maison. Il est arrivé. Et puis, il allait se promener dans la forêt. Il disait, dans 3 jours, il faut qu'il y ait un oratoire ici. C'est là. Et hop, on cause toute la maison, c'était à construire un truc dans la forêt pour la Vierge Marie, parce qu'il avait eu du ciel qu'il fallait qu'il y ait un truc là. On ne peut pas douter que ce qui est venu de lui, ça vient de Dieu. En rentrant, la mère supérieure nous convie à une nouvelle prière, en hébreu cette fois. Car Ephraim était fasciné par le judaïsme et il a souhaité qu'en plus des fêtes catholiques, ses disciples célèbrent toutes les fêtes juives. Ici, on fait donc Hanouka, Pessah et Shabbat tous les vendredis soirs. Après la cérémonie, la bergère nous affecte en cuisine pour faire la vaisselle et préparer les repas du soir. Nous nous apercevons rapidement que la plupart des aliments sont périmés, comme ces poulets. Ils sont consommables jusqu'au 10 mars, mais nous sommes le 25 avril. La date de péremption est donc dépassée depuis un mois et demi. Et ici, viande, poisson, yaourt, presque tout est périmé. En cuisine, on nous explique discrètement que pour faire des économies, les aliments sont récupérés gratuitement dans des banques alimentaires. On les stocke durant des mois et on les mange, même s'ils sont périmés. Surprenant quand on connaît le patrimoine que possèdent les Béatitudes. Pour comprendre, nous décidons d'aller interroger l'un des centres des Restos du Cœur dans le sud de la France. Visiblement, ce système est généralisé et dure depuis longtemps. L'association, c'était la communauté des Béatitudes. On m'a dit qu'ils venaient prendre des aliments ici et je voulais savoir ce qu'il en était par rapport à ça. Ça fait des années. C'est pas hier qu'on a béatitude. Comme ça. Des années. Donc, moi, ça fait 16 ans que je suis en quatre garçons, quatre filles et 6 vieilles. Ce qui peut poser un petit peu question, c'est qu'un prix aux béatitudes, il y a de l'argent. Pas forcément. Moi, je ne vous parle pas de béatitude et je ne vous en parlerai pas. Je ne parlerai pas. Retour à la communauté. Lors de notre travail en cuisine, nous rencontrons Louise, âgée de 28 ans. Elle vit aux béatitudes depuis 10 ans. Elle se consacre à plein temps à l'accueil des fidèles pendant les séminaires. L'équivalent d'un poste de femme de chambre, sauf que c'est entièrement bénévole. Vous faites quoi du coup ? D'accord. D'accord. Ça veut dire que c'est vous qui préparez les chambres ? Donc, les chambres, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Quand j'accueille 150 personnes, c'est beaucoup de travail, les chambres. Et j'ai fait le secrétariat. Donc, on a commencé à faire toute la gestion. Et c'est quasiment autant de travail qu'un hôtel, quoi. Oui, c'est beaucoup, en fait. Mais c'est pour le film. C'est pour le film. Mais Louise n'est pas la seule dans cette situation. Aux béatitudes, tout le monde est bénévole. Aucun adepte n'est déclaré. Certains sont même sans couverture sociale. Les fidèles se dévouent entièrement à la communauté. Ils jurent obéissance, chasteté et pauvreté. Ils sont obligés de faire don de tous leurs biens. C'est clairement stipulé dans les statuts. Tout membre de la communauté devra se dépouiller totalement des biens qu'il peut encore avoir en propriété personnelle. Mais quand les adeptes quittent la communauté, souvent la désillusion est terrible. Dans le Midi, nous avons retrouvé Myriam. Durant 4 ans, elle a vécu avec son mari aux béatitudes au sein d'un groupe de 45 personnes. Leurs 3 enfants ont même vu le jour dans la communauté. Infirmière de formation, Myriam se retrouve pourtant en cuisine, employée 6 jours sur 7, à préparer les repas de tous les membres. Elle aussi était bénévole. À la communauté, nous n'étions ni déclarés, ni salariés, ni bénéficiant de sécurité sociale, ni de retraite, ni d'aucune sorte de déclaration, ni d'inscription, à aucun registre de travail, de rien du tout. On travaillait bénévolement. Muriel et son mari doivent obéissance. On leur demande une soumission totale. Et pour toutes les décisions de la vie quotidienne, Muriel s'en remet aveuglément au chef de la maison, le berger. J'allais demander au berger à la fin des repas la permission d'aller faire mes courses pour acheter à manger pour mes enfants ou des vêtements. Moi, adulte, mère de famille, j'allais demander la permission. On devait obéissance jusque-là. Vous le faisiez ? Bien sûr. J'étais extrêmement consciencieuse et je mettais un point d'honneur à être obéissante. Mais aujourd'hui, je me dis, mais quel abrutissement. Très affaiblie psychologiquement, la famille aura le plus grand mal à quitter les béatitudes. Une fois dehors, le couple se retrouve ruiné. Ils ont vécu 4 ans à la communauté et y ont laissé leurs 15 000 euros d'économie. Faire don de tous ses biens et travailler bénévolement, tout cela est légal. Pourtant, les méthodes des béatitudes peuvent poser question. Cette communauté religieuse n'est pas répertoriée parmi les mouvements sectaires. Mais à la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la situation au sein des béatitudes est jugée très inquiétante. Il est évident que nous sommes dans les critères de ce que nous qualifions de dérive sectaire, de comportement porteur en soi de danger sectaire. Le problème des enfants qui vivent dans cette communauté, le problème financier, abandon des biens personnels, le travail dissimulé, hein, faussement bénévole, puisque c'est du travail très régulier de 7h30 du matin à 22h, très pénible pour certains travaux, que ce soit des travaux de cuisine, des travaux de jardinage, sans aucune rémunération et sans aucune couverture sociale, aucune déclaration aux organismes sociaux. Ils deviennent totalement dépendants de la communauté, donc sans possibilité d'en sortir, puisqu'une fois dehors, ils n'ont plus où aller. Mais la dérive qui pose le plus problème aux associations de lutte contre les sectes, ce sont les sessions de guérison miraculeuse. Car aux béatitudes, on affirme faire des miracles. Ephraim prétend même avoir mis au point une technique spéciale. Il a écrit une multitude d'ouvrages sur la question. La dérive sectaire, c'est aussi les séances notamment psychospirituelles, avec lesquelles on est censé soigner par l'appel à l'Esprit Saint, vous voyez, peut conduire à des abandons de traitements médicaux gravissimes. Les sessions de guérison miraculeuses ont été interdites en 2007 par le Vatican, et pourtant, elles continuent. Elles ont lieu discrètement à l'intérieur de la communauté et dans des associations amies. Munis d'une caméra cachée, nous nous rendons au Carmel de Lisieux, un monastère catholique, pour assister à l'une de ces sessions intitulée « Je serai guéri ». À notre arrivée, nous sommes accueillis par un petit groupe qui est une émanation des béatitudes et se fait appeler « Communion Marie-Reine de la Paix ». Communion Marie-Reine de la Paix, c'était la même chose que les béatitudes. C'est un ensemble de béatitudes et avec Frère Ephraim, ils ont fondé la cité de l'Immaculée. Il y a une quinzaine de personnes qui travaillent à Lucan. D'accord, ils vivent en communauté, quoi. D'accord, d'accord. Lorsque nous entrons dans la salle principale, on nous propose les tout derniers ouvrages écrits par les dirigeants des béatitudes. Là, c'est la deuxième année du béatitude. Dans la salle, cet après-midi, 200 participants. Ils ont tous déboursé 150 euros pour réaliser leur rêve le plus cher, assister à des miracles. Cesse d'être incrédule, sois croyant. À la tête de cette session de guérison, on trouve un couple de prédicateurs, amis intimes d'Ephraïm. Au bout de 2 minutes montre en main, l'Esprit Saint arrive dans la salle et l'organisatrice affirme être en contact avec un mort, et pas n'importe lequel. J'ai besoin de Jean-Paul II qui est parmi nous. Il a un grand manteau blanc, il ouvre son manteau, il me montre l'intérieur de son manteau, et sur chaque mot, il a gravé miséricorde. Qui veut recevoir son manteau pour lever les deux mains comme ça vers le ciel. Et très rapidement, les miracles vont pouvoir commencer. Je vois des organes. Le Seigneur guérit des ovaires aussi, une femme qui souffre des ovaires. Je suis en train de guérir aussi une personne qui a dit bien sûr, particulièrement au caramel. Mais le clou du spectacle, c'est lorsque l'organisatrice se met en tête de faire marcher une adepte qui a de très grosses difficultés à se déplacer. Elle nous demande de l'aide pour la soulever de son fauteuil roulant. L'organisatrice nous assure avoir déjà plusieurs fois fait remarcher des personnes en chaise roulante. Nous soulevons donc la femme qui ne peut pas faire un pas toute seule et nous la portons à bout de bras. Visiblement, il y a un malentendu avec l'Esprit Saint, car dès que l'on repose la femme dans son fauteuil roulant, elle reste avec son handicap. Pas de miracle pour cette fois, donc. Et la suite est encore plus étrange. Avec les 200 participants, nous nous allongeons sur le sol. D'après l'organisatrice, tous nos problèmes viennent de notre petite enfance. Elle va donc nous ramener dans le ventre de notre mère, au stade d'embryon. Durant toute la séance, dans la salle, dans le couloir et jusque devant l'entrée des toilettes des prêtres catholiques et des organisateurs, improvisent des exorcismes, par dizaines. À la fin des deux jours, nous décidons d'aller voir l'organisatrice. Nous lui expliquons que nous avons quelques soucis dans notre couple. Elle nous propose un accompagnement psychologique plus poussé, directement inspiré des méthodes de guérison d'Ephraïm. Les seules informations que nous lui donnons sont des prénoms d'emprunt, Pierre et Stéphanie. Et très vite, elle va en tirer des conclusions. Tu vois, Stéphanie, il y a Stéphane aussi. Ouais. Hein? Et puis il y a Annie aussi. Ouais. Kimi. Ouais. Kimi, d'accord. Il y a des garçons après toi? Une fille, c'est tout. Que des filles? J'ai une sœur, c'est tout. Ah oui, tu vois là. Là, il y a une souffrance familiale. Voilà. Tu vois. Pierre, toi, c'est quoi ton histoire d'enfant? Moi, je suis le plus âgé et j'ai quatre sœurs. Qui sont plus jeunes que moi. Tu es de 5? Oui. Ouais. Et que des filles derrière? Ouais, que des filles. Sinon, que des filles. Tu sais, t'es un rescapé? En 3 minutes, le verdict tombe. C'est clair, nous avons grand besoin de revenir assister à une session en profondeur. Ce sera donc 500 euros de plus. En fait, une session, je serai guérie cet été. Alors, une session, je serai guérie, si ma chaîne est guérie, c'est pas week-end. Là, week-end, c'est plutôt que la rigolade. Tu vois, là, donc t'imagines un peu cette semaine. Donc là, c'est un nettoyage de l'enfance. On nous conseille donc un stage intensif d'une semaine. Et les affaires marchent plutôt bien pour la petite communauté. Le week-end auquel nous avons assisté leur a rapporté 30 000 euros. Au nom du Christ, rien ne nous séparera, rien ne peut nous séparer. Amen. Amen. Ces sessions de guérison sont officiellement interdites par le Vatican. Il y a quelques mois, Rome a chargé un prêtre français de remettre de l'ordre au sein des Béatitudes. Ce prêtre n'a pas souhaité nous accorder d'interview. Nous décidons d'aller tout de même lui poser quelques questions. Et d'après lui, les problèmes ont été réglés. Le président de la Miviludes nous dit quand même qu'il y a des dérives sectaires graves. Je pense qu'il y a absolument ça dans la politique. Je commence à connaître qu'il n'y a pas de dérives sectaires. Qu'il y ait des éléments à corriger, il y en a depuis, ça a déjà commencé depuis longtemps. Il y a des choses qu'il a fallu purifier, enlever, des pratiques de mélange psychologique, ça c'est vrai, il y en a eu. Non. Il y en a encore. Vraiment pas. Je vous assure que c'est marginal. Très marginal, parce que ça a été quand même bien lavé. Le prêtre ne souhaitera pas s'étendre davantage sur la question. Mais le plus grand scandale que connaissent les Béatitudes a été révélé en 2007. C'est ici, dans cette abbaye au cœur d'une vallée perdue de l'Aveyron, qu'une énorme affaire de pédophilie a éclaté. Plus de 50 enfants de la communauté des Béatitudes ont été abusés. À l'époque, l'affaire sort dans la presse. Le scandale est énorme. Celle qui a révélé l'affaire au grand jour, c'est cette jeune femme. En 2000, lorsque Muriel arrive à l'abbaye de Bonnecombe, elle soupçonne immédiatement l'un des frères d'être pédophile. Le frère en question, le voici. Sur cette vidéo tournée au Vatican en l'an 2000, on le voit chanter derrière Ephraïm. Durant 30 ans, de 1977 à 2007, le frère Pierre-Étienne fut l'un des bras droits du fondateur, le numéro 3 des Béatitudes. Malgré la place illustre qu'il occupe dans la communauté, Muriel décide d'interroger directement le frère Pierre-Étienne. Je suis allée le voir et avec beaucoup de prudence, je n'étais pas très à l'aise, on ne va pas voir quelqu'un comme ça. Enfin, surtout quelqu'un de la communauté qui était un des favoris de la communauté. Donc, je suis allée le voir et je lui ai dit « Est-ce que tu as des problèmes avec les enfants ?» Il est devenu tout blanc et il m'a dit qu'il avait des problèmes avec les enfants. Lorsque le frère lui avoue qu'il est pédophile, Muriel est persuadée que les responsables de la communauté vont la soutenir. Mais c'est l'inverse qui se produit. On lui interdit d'assister à la messe. On lui interdit d'entrer au réfectoire. on lui demande de vivre dans cette petite maison, toute seule, à l'écart de la communauté. On a commencé en effet à dire que j'étais possédée. Le démon était en moi, j'étais la bête, oui. Et donc il fallait absolument maîtriser ce démon, le mettre à l'écart et faire en sorte qu'il ne nuise plus. Seuls quelques rares membres de la communauté prennent sa défense et restent à ses côtés, comme Gisèle. Il y avait plusieurs membres de la communauté, deux ou trois femmes, qui tous les soirs faisaient des prières d'exorcisme pour que Muriel soit réduite à la puissance, pour qu'elle cesse de nuire. La communauté se déchire et l'abbaye de Bonnecombe, entachée par le scandale, se vide peu à peu. Aujourd'hui, seuls quelques fidèles assistent encore à la messe du dimanche. Pourtant, Muriel n'abandonne pas. Pierre-Étienne finit par lui confier les noms de ses victimes. Plus de 50 enfants abusés en 35 ans. Face à l'inaction des responsables des béatitudes, Muriel remet alors le dossier au procureur de Rodez. Un procès va se tenir le 30 novembre 2011. Le frère Pierre-Étienne sera seul sur le banc des accusés. Pourtant, depuis des années, les responsables de la communauté savaient qu'il était pédophile. Voici une attestation que nous nous sommes procurés. Dans ce document, l'un des prêtres des Béatitudes atteste qu'il avait, comme trois autres responsables de la communauté, connaissance depuis 10 ans au moins des actes pédophiles commis par Pierre-Étienne. Je soussignais Paul, prêtre et membre de la communauté des Béatitudes, atteste avoir reçu personnellement en 1998 l'information de délits de pédophilie commis par Pierre-Étienne. Voici la retranscription d'une conversation téléphonique entre le frère pédophile et Ephraïm. Le fondateur y donne l'ordre à Pierre-Étienne de se taire afin de ne pas envoyer ses supérieurs en prison. Il faut éviter de parler de tes supérieurs. Tu ne voudrais pas qu'ils fassent 18 mois de prison ferme. La justice des hommes n'est pas celle de Dieu. La prescription pour non-dénonciation de crimes pédophiles est de 3 ans. Aucun des responsables des béatitudes ne pourra donc être poursuivi. Aujourd'hui, à l'abbaye de Bonnecombe, ceux qui ont dénoncé Pierre-Étienne ont payé le prix fort. Ils ont été définitivement exclus de la communauté des béatitudes. Parmi eux, le père Jean-Baptiste, amer de n'avoir reçu aucun soutien du Vatican. Je crois que on dérange, ça c'est vrai. Tout ce qui a été soulevé jusqu'à présent à travers les dérives des béatitudes, la pédophilie, tout ça, ça a gêné. Ça a gêné beaucoup de gens dans l'Église, ça c'est sûr. 37 chefs d'accusation ont été retenus contre Pierre-Étienne et 9 victimes se sont portées partie civile. Parmi elles, Amélie. Elle fut violée alors qu'elle n'avait que 6 ans. Pierre-Étienne, qu'est-ce qu'il vous a fait subir ? Il m'a violée. Et après, il m'a fait subir des attouchements au fil des années. Ces abus sexuels, ils ont duré combien d'années ? Au moins 5 ans. Il s'introduisait dans votre chambre le soir, la nuit, comment ça se passait ? Ça pouvait être en public, sous la robe, ou alors il venait dans la chambre. Oui, il m'emmenait dans sa chambre. 20 ans plus tard, Amélie n'arrive toujours pas à retrouver une vie normale. Avec le temps, ça c'est une douleur qui s'atténue un petit peu quand même ou pas ? Ça s'atténue pas du tout. On vit avec la souffrance de ce qu'on nous a fait. Avec la honte et la culpabilité. Aujourd'hui, vous en voulez à qui, finalement ? À Pierre-Étienne, à la communauté, à qui ? À Pierre-Étienne en premier, mais aussi aux adultes. Aux adultes qui n'ont rien fait et qui, aujourd'hui, ne font toujours rien. Ils nous laissent dans cette souffrance. Ils nous laissent avec cette honte, en gardant le silence. Et eux, ils se lavent les mains de tout ça. Malgré ces scandales, les béatitudes sont aujourd'hui aux portes de Rome. En 2011, le Vatican a signé un décret qui met en place la reconnaissance des béatitudes. Après 40 ans d'existence en marge de l'Église, ils vont devenir un ordre religieux catholique à part entière. Nous contactons l'un des évêques français qui a beaucoup œuvré en faveur de cette reconnaissance. Il refuse de nous recevoir. Nous prenons alors rendez-vous avec lui sans préciser le motif de notre visite. Nous sommes en caméra cachée. Nous voulons comprendre pourquoi le Vatican tient absolument à reconnaître les béatitudes. Mais l'évêque va accueillir nos questions plutôt fraîchement. L'entretien aura duré à peine 2 minutes. Aujourd'hui, l'Église s'efforce d'étouffer les scandales qui touchent la communauté. Et les béatitudes continuent de bénéficier d'une bonne image dans les milieux catholiques. Elles comptent toujours de nombreux sympathisants. Certains d'entre eux sont même des personnages publics. À Bonnecombe, Alain Legros, l'ancien homme à tout faire d'Ephraïm, se souvient d'un homme politique qui a fréquenté les béatitudes dès les années 80. François Bayrou a fréquenté la communauté de Naï, là où il habitait pas très loin. En l'occurrence, il venait à la messe le dimanche avec sa femme. Gérard Croissant le mettait au pinacle en disant qu'il était pratiquement certain qu'il serait élu en tant que président de la République et que ça pourrait changer la face de la France. Au cours de notre enquête, plusieurs membres de la communauté nous ont confié que François Bayrou fréquentait toujours les béatitudes. Il n'est pas membre, c'est-à-dire qu'il n'a pas prononcé de vœux. Il est un simple sympathisant qui assiste aux offices. Nos multiples appels au service de communication de François Bayrou resteront sans réponse. Nous nous rendons alors dans ses locaux du MoDem. Là, on nous indique que le président du mouvement démocrate ne souhaite pas s'exprimer publiquement sur le sujet. Nous décidons d'appeler le candidat sur son portable pour l'interroger sur les dérives de la communauté. C'est des gens, moi, que je considère comme très estimables. C'est une communauté dans laquelle il y a un certain nombre de dérives sectaires qui sont dénoncées depuis assez longtemps. Vous le dites, moi, je n'en ai jamais vu. Si j'avais vu la moindre chose risquée, je vous assure que j'en aurais avisé les autorités. Parce que je déteste l'esprit sectaire. Je les vois vivre depuis 25 ans. Qu'est-ce que je dis 25 ans ? 30 ans. Je n'ai jamais vu la moindre dérive de cet ordre. Au terme de notre enquête, nous décidons de retrouver le fondateur des béatitudes. Ephraïm a disparu dans la nature depuis 2007. Ni l'Église, ni les béatitudes ne semblent savoir où il se trouve. Des informations le localisent dans des communautés en Afrique. Son dernier domicile connu serait Kigali, au Rwanda. L'homme se cache. Nous décidons de partir à sa recherche. Nous disposons du nom du quartier où il résiderait et d'une photo d'Ephraïm sur place. On le voit en compagnie d'une femme. Arrivé dans son quartier, nous tentons d'obtenir des renseignements. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez cet homme ? Il s'appelle Gérard Croissant. Mais on l'appelle Ephraïm ou Tonton. Nous cherchons à savoir si Ephraïm est toujours dans les environs. Nous rencontrons finalement l'un de ses voisins. Il connaît bien Ephraïm et pour cause, il est devenu l'un de ses disciples. L'homme accepte de nous montrer la maison de son maître, mais à une condition, c'est qu'on ne le filme pas. Vous le connaissez bien, Gérard Croissant ? Oui, c'est notre ami de la communauté. Nous deux enseignements, comment guérir une personne. Ouais. Guérir une personne qui a un problème psychologique. Il vous a appris à guérir les problèmes psychologiques ? Oui. Ah. Et lui, il guérit les maladies aussi ? Ephraïm Croissant. Oui. Il prie beaucoup, il peut guérir les maladies. sur cette ici. Ici ? Ah ouais. Voici donc la maison d'Ephraïm. Mais nous arrivons trop tard. La maison est vide. On nous apprend qu'Ephraïm se trouve maintenant dans un orphelinat de la banlieue de Kigali. Nous nous rendons sur place. L'orphelinat, le voici. Un endroit très discret derrière des hauts murs et une palissade, bien à l'abri des regards. Ephraïm serait donc là, retranché derrière ses murs. Sous le prétexte de vouloir faire un don, nous demandons à entrer. À l'intérieur, une centaine d'orphelins traînent dans les couloirs. De très jeunes enfants, entassés dans des dortoirs sales et malodorants. Pas un seul jouet. Les enfants semblent livrés à eux-mêmes. La directrice arrive enfin. Nous la reconnaissons, c'est elle qui se trouvait sur notre photo, aux côtés d'Ephraïm. À première vue, il s'agit d'une bonne sœur, un habit de religieuse, un voile, des chapelets. Et pourtant, Mama Adria, comme on l'appelle ici, est une mère de famille. Elle a monté sa propre communauté religieuse, qui n'est reconnue par personne. Cet étrange groupe religieux s'appelle les Sœurs du Petit Enfant Jésus. Il est financé par les Béatitudes. Nous lui expliquons que nous cherchons Ephraïm. Il est très malade. Oui, il est très malade. Il a un cancer, je ne sais pas. D'accord. Quelle partie du corps, mais ce doit être un stade avancé. Ephraïm n'est pas là, car il serait atteint d'un cancer en phase terminale. Nous quittons les lieux. En poursuivant notre enquête, nous apprenons que depuis son arrivée au Rwanda, Ephraïm organise des sessions de guérison dans tout le pays. Et les adeptes affluent en grand nombre. L'un de ses disciples dirige une école primaire. Nous le questionnons sur son maître. Il est comment, Ephraïm ? C'est très bon. Très bon, c'est un saint. C'est vrai ? Oui, pour moi, oui. Pourquoi il était venu au Rwanda ? La Vierge lui a montré des petits enfants noirs, des milliers d'enfants noirs qui venaient à sa rencontre. La Vierge lui a montré qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. Il avait des visions comme ça, souvent, Ephraïm ? Des visions. Il est plus que quelqu'un qui a des visions. Il est vraiment en communication avec lui. Le disciple nous dit ne plus avoir de nouvelles d'Ephraïm. Il a disparu. Et pour cause, nous comprenons peu à peu qu'ici, Ephraïm a des problèmes avec les autorités. Car contrairement à la France, où il a agi sans être inquiété depuis 35 ans, ici, on a réagi très rapidement. Au ministère de la Famille, nous rencontrons M. Nzaramba. C'est lui qui, dès 2008, s'est intéressé de près aux activités d'Ephraïm et à ses sessions de guérison avec les enfants. Et pour l'enquêteur du gouvernement, ces pratiques étaient très inquiétantes. Parce que qu'est-ce qu'il faisait avec les enfants ? Des réunions de psychologie, des choses comme ça ? Oui, oui, oui, c'était ça. Les dimanches, il assemblait des enfants comme s'il avait un secte à part. Et alors, voyant aussi la littérature sur lui, alors on a dit, on ne peut pas travailler avec quelqu'un qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Le gouvernement rwandais lance alors une enquête et pour eux, aucun doute, Ephraïm est à la tête d'une secte. Voici les conclusions de leur rapport, signé par la ministre de la Famille. Ces pratiques sectaires sont dangereuses pour l'harmonie des familles rwandaises. Peu à peu, l'étau se resserre autour du fondateur des Béatitudes. Au terme de notre enquête à Kigali, nous apprenons qu'Ephraïm aurait quitté le pays précipitamment depuis quelques mois. Nous partirons donc du Rwanda sans avoir pu le rencontrer. De retour en France, on nous signale qu'Ephraïm serait dans l'Hexagone. Nous tentons alors une dernière fois de le rencontrer. Le fondateur des Béatitudes est fasciné par le judaïsme. Nous prétendons être des hommes d'affaires israéliens. Nous expliquons que nous organisons des séminaires à Jérusalem et que nous voulons à tout prix inviter Ephraim pour qu'il fasse une conférence durant l'un de nos séminaires. Nous contactons alors l'ensemble de ses éditeurs. L'un d'entre eux finit par nous donner l'adresse mail du secrétaire d'Ephraim. Nous lui écrivons. Au bout de quelques semaines, une réponse nous parvient. Pour être plus crédible, nous avons pris des noms israéliens, Dana Israelevitch et Pierre Cohen. Grâce à ce stratagème, Ephraim accepte de nous rencontrer afin de mettre au point les détails de ce fameux séminaire à Jérusalem. Il nous donne rendez-vous dans les Landes. C'est là que l'homme se cache. Il nous indique un petit chemin de terre. Au bout du chemin, un homme nous attend. C'est le secrétaire particulier d'Ephraim, un prêtre en habit civil. Bonjour. Bonjour. Pierre, enchanté. Merci, bienvenue. Je remercie. On nous conduit vers un escalier en bois. Nous traversons des pièces remplies de livres, puis enfin, nous nous trouvons face à l'homme que nous cherchons depuis des mois. Pierre. Contrairement à ce que nous avaient annoncé ses disciples au Rwanda, Ephraim semble bien loin d'avoir un cancer en phase terminale. Le fondateur des Béatitudes nous accueille par quelques mots en hébreu, histoire de tester nos connaissances linguistiques. Non, je remercie. Moi, je comprends pas. Ephraim est détendu et souriant. Il se montre très fier de son parcours. Je peux dire que j'ai changé quand même, en toute modestie, l'ambiance du catholicisme. Le fondateur des Béatitudes nous propose d'aborder durant notre séminaire à Jérusalem un thème qui lui tient particulièrement à cœur. Je peux vous parler du décodage des maladies. Le décodage des maladies, c'est-à-dire, ça serait, c'est quoi ça? Le décodage des maladies, c'est-à-dire décrypter ce que la maladie veut dire. Ouais. Ce que le mal a dit. Alors, quelqu'un qui exclut d'un héritage, par exemple, il va faire un cancer au contraire. La tuberculose, par exemple, c'est j'étouffe là où je me trouve et je ne peux rien changer. Ouais. C'est une maladie d'immigré. Et pour le cancer du sein, Ephraim a également une interprétation toute personnelle. Le sein gauche, pour une droitière, c'est un conflit lié avec l'enfant. Et l'autre sein, le sein droit, c'est le sein du mari. Ouais. Donc c'est un grave conflit avec le mari. Après ce cours de médecine, Ephraim nous explique que depuis 40 ans, il a assisté à de nombreux miracles. J'ai assisté à des multiplications. De quoi ? Eh bien, des multiplications de nourriture, des multiplications de savon, des miracles. Ça tombe vraiment du ciel. Et dans le monde merveilleux d'Ephraim, il y a même des multiplications de billets de banque. Je montais la rue principale de Lisieux, une femme venait dans l'autre sens, elle me dit « Tenez, c'est pour vous ». Elle me donne une enveloppe. Dans cette enveloppe, c'était rempli de billets suisses. Donc je suis rentré chez moi, et c'est là que ça a commencé à arriver. La multiplication des billets. Donc les 30 millions étaient devenus 60 millions. On a acheté le château. Ouais. Ma fille faisait ses études à Jérusalem. Donc j'ai payé 2 ans d'études avec les voyages. L'Esprit Saint est décidément bien généreux avec Ephraim. Au moment de partir, nous avouons que nous sommes journalistes. L'homme qui n'a plus parlé à aucun média depuis des années se fige lorsque nous évoquons ses scandales sexuels et les dérives des béatitudes. Vous êtes suspens pour des dérives de mœurs. Vous n'avez jamais eu de relation sexuelle avec aucune religion? Ah ben je vous répondrai pas là-dessus. Pourquoi? J'ai aussi ma vie privée, c'est tout. Et je dérive jamais. C'est la guerre. Et vous voulez pas répondre à quelques questions? Non, franchement. Non. Nous insistons et lui parlons des dérives sectaires dans les maisons des béatitudes, du travail dissimulé et de l'emprise psychologique sur les adeptes. Il y a du travail dissimulé, il y a quand même... Où du travail? Dans la communauté.

Alors, un vrai journal maintenant, hein, Vosges Matin, un journal imprimé qu'on reçoit par dans la boîte aux lettres. Alors, Jean Rotner veut rassurer cette jeunesse qui doute. Alors, là, il n'est pas question, ni dans cet article, ni dans le journal, dans le journal qui fait 40 pages, ni ce jour-là, ni un autre jour, il n'est question du chômage, qui est pourtant la question principale de la société française. Eh oui, comme c'était la question principale de la société allemande en 1933. Eh oui, en 1933, les Allemands, ils ont mal voté. Pourquoi ? Ben parce que il y avait 6 millions de chômeurs par rapport à 60 millions d'habitants. Alors, ils ont voté pour Hitler. Voilà. Alors, chômage, tous ceux qui ont joué un rôle politique depuis 50 ans. Hein ? Si on mettait au chômage tous ceux qui ont joué un rôle politique depuis 50 ans, qu'on leur fasse goûter le chômage, qu'ils sachent eux aussi, personnellement, avec leur famille, ce que c'est que le chômage. Ça serait une bonne chose. Ça serait, comme disaient les scouts, une BA, c'est-à-dire une bonne action. Hein ? Voilà, prenant ces gens-là, l'un derrière l'autre, on en prend un une semaine, direction le chômage, avec il touche le RSA au lieu de toucher sa paye de député ou de sénateur. Hein. La semaine d'après, comme les choses n'ont pas bougé, n'ont pas évolué, eh bien ça sera deux volontaires désignés d'office qu'on enverra au chômage avec le RSA et tout ce qui s'ensuit. Et puis, comme rien n'aura toujours bougé, parce que ces gens-là sont capables, les politiques, de se moquer bien de nous, comme les gestionnaires de trucs, de machins, de bidules, eh bien, la semaine suivante, ce sera 4 qui partiront au chômage. Et puis, la semaine d'après, ce sera 8, puis 16, puis 32, puis 64. Et à un moment donné, ben, il n'y aura plus de députés, il n'y aura plus de sénateurs. Ou alors, ils auront commencé à se remuer le tempérament, et ils auront commencé à faire quelque chose d'efficace. Ils seront enfin redevenus des êtres humains. Alors, toujours jeudi 2 septembre 2021, climat. Le nombre de catastrophes a été multiplié par 5 en 50 ans. Alors, qu'ont fait nos élus, nos gestionnaires, nos dirigeants, nos managers, etc., pendant 50 ans ? Hein ? Ben, ils se sont remplis les poches. Voilà, c'est tout. Ils n'ont rien fait d'efficace pour le public. Non, ils sont élus du peuple français, mais contre les intérêts du peuple français. Alors, plan Macron, peu d'enthousiasme à Marseille. Hein, oui. Ça, c'était le jeudi 2 septembre 2021. Alors, un autre titre de cette même page. La réforme de retraite n'aura pas lieu. Alors, on voit en photo un personnage qu'on voyait pas mal à la télévision il y a quelques années, qu'on voit beaucoup moins. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, mercredi à Matignon. Vous vous souvenez qu'il y avait un syndicat qui s'appelait la CFDT et que ce syndicat était dirigé, managé peut-être, il faudrait dire, par Laurent Berger. Hein ? Ah, ils étaient passés dans la trappe, dans les oubliettes. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez ? Et la traîtrise, ça se paye. Emballage en plastique. Tout est désormais recyclable. Ben voilà, des bonnes nouvelles, hein ? Ah oui, on recyclera le plastique, on continuera à fabriquer donc, si on continue à le recycler. Alors, les Vosges, rentrée scolaire, etc. François Vanson, président du conseil départemental, deux points, ouvrons les guillemets, conjuguer l'intérêt pédagogique et celui des territoires. Je ferme les guillemets. Ensuite, vendredi 3 septembre 2021, la Casa de Papel revient pour tout casser, je sais pas ce que c'est. En dessous, la série américaine. Alors, cramponnez-vous. Only Murders in the Building, podcast mortel. Eh oui, c'est du patois. Il paraît que ce patois-là, on le parle dans le col vers le col de Grosse-Pierre, entre la Bresse et Gérardmer. Oh, j'ai parlé par quelques fermes, hein, pas plus, hein. Oui. Only Murders in the Building, podcast mortel. Ah là là là. Ah, les larbins. Mon Dieu, les larbins. Si on les traitait comme ils le méritent, eh ben, ils s'ouvraient en courant. Ils chercheraient des territoires où ils pourraient s'exprimer. Élection départementale, 3 recours devant le tribunal administratif. Barin, donné en accès libre, France Test dans la tourmente. La société strasbourgeoise France Test, prestataire de pharmacie pour la transmission des résultats de tests Covid, est responsable de la fuite potentielle de données privées. Des centaines de milliers de personnes, a révélé Mediapart, mardi, une enquête de la CNIL est en cours. Hein, voilà, Commission nationale informatique et liberté. À retenir, ces gens-là aussi, il va falloir qu'ils rendent des comptes un jour, ou une nuit, ou les deux. Des écolos différents, pas divergents, apaisés et plutôt sereins, bah oui, ils s'en font pas eux. Apaisés et plutôt sereins, les candidats de la primaire écologiste se sont ménagés pour le premier débat. Ce dimanche sur France Inter, tous promettent de la radicalité dans leur programme, mais à des degrés divers. Voilà, la radicalité à des degrés divers. Alors, il y a Yannick Jadot, Sandrine Rousseau, Delphine Bateau et Éric Piolle. Voilà. Alors, il faudra voter pour les quatre, hein. Faut pas de préférence, hein. Non. Pas de préférence. Quand on a en face de soi des héros, eh bien, on les prend tous. On manque de héros et d'héroïsme. Alors, il faut... Média, nouveau retard à l'allumage pour la radio numérique, le DAB+. DAB+, va enfin passer à la vitesse supérieure après un développement laborieux à cause notamment du manque d'enthousiasme des grosses radios. Le lancement national prévu cet été était reporté à l'automne. La France a beaucoup de retard sur d'autres pays comme la Norvège qui a arrêté la bande FM fin 2017. Ah, bon, alors oui, qu'est-ce qu'on va faire avec GM? On fera peut-être un emprunt, hein, auprès des auditeurs, hein. Ah bah oui. Alors tiens, une publicité d'une page complète, République française, Institut national du cancer. Fumer tue 45 000 personnes par cancer chaque année. Aujourd'hui encore, le tabac est la première cause de cancer. Faut s'en souvenir. Et agir, et réagir. Affaire Simone Weber en 5 podcast. Alors, l'affaire Simone Weber en 5, c'est du Franciuski, on comprend. Mais podcast, what is it? Wo, was, warum? Toujours contre le pass sanitaire. Épidémie de Covid-19. Quelques 141 personnes sont à nouveau descendues dans les rues de nombreuses villes de France pour crier le refus du pass sanitaire samedi. Alors c'était dimanche 5 septembre 2021, mais il y en a qui disent que les chiffres qui sont mis dans les journaux ou qui sont dits à la télé, c'est la même chose, sont erronés. Hein? Oui. Serait-ce qu'on se payerait notre tête quelque part? Hein? Vous croyez? Oh, quand même pas. Ils feraient pas des choses pareilles. On respecte les lecteurs, on respecte les électeurs, on respecte les consommateurs, on respecte les citoyens dans cette République française. Ardèche, un salarié d'EDF contaminé dans une centrale nucléaire. Un salarié d'EDF a été contaminé lors d'une récente opération de maintenance à la centrale de Cruaz, à l'Ardèche. Son exposition radiologique a été supérieure à la limite réglementaire annuelle. L'autorité de sûreté nucléaire, ASN, a classé l'incident au niveau 2 sur 7 de l'échelle de gravité INES. Un rapport d'analyse de l'incident est attendu sous 2 mois. Cet incident de contamination est le 4e depuis fin juillet en France. Les précédents ont eu lieu à Cattenom, Moselle, Fessenheim, Aurin et Saint-Laurent-des-Eaux dans le Loir-et-Cher. Voilà une secte qui nous coûte cher encore, ça, le nucléaire. Eh oui, les sectes c'est dangereux, mais le nucléaire c'est une secte particulièrement dangereuse. Une webcam, what is it? Vasisdas, une webcam Messine pour mesurer les paramètres vitaux des patients. Eh ben voilà. Tout ça dit en français de France, c'est bien. Comme ça on comprend, c'est mieux. La langue française doit rester langue officielle. Alors, lorsqu'il y aura plus de deux langues officielles, seul le français ferait loi. Il ajoute que la question étant plus entière, il ne s'agit plus de maintenir mais de reprendre une tradition diplomatique, que les qualités de la langue française, reconnues universellement, suffisent à justifier. Alors, un peu plus loin, Monsieur Briand. Le gouvernement le gouvernement français n'assisterait pas à une conférence où le français ne serait pas admis comme langue officielle. Alors tout ça c'était dit par des officiels du gouvernement français, etc., etc., en 1919. Ouais, voyez que déjà l'invasion était commencée, était programmée en tout cas. Alors, autre sujet, la non-épuration dans les administrations. Dans les administrations, la plupart des créatures désignées par Pétain à Laval sont toujours en place. Vichy avait épuré en chassant les fonctionnaires accusés de patriotisme. La majorité de ceux-ci ne sont pas réintégrés. Et les services administratifs de la République française sont encore truffés d'éléments vichysois. Je saute quelques paragraphes. On pourrait croire que depuis le départ des Allemands, un changement est intervenu, que ce Brochard et son aide Carougeau ont été chassés pour avoir déporté des Français. Il n'en est rien. D'autre part, on me signale que certains commissaires de la République auraient gardé dans leur entourage un personnel vichysois. Là aussi, l'épuration s'impose immédiatement. Alors ça, c'était le Conseil national de la Résistance, 1945. Hein, ouais, c'est ancien, hein. Bon. Alors, pour en finir avec les journaux, prenons le Canard enchaîné. L'artificier d'extrême droite était radioactif. Une semaine avant l'ouverture du procès de Bataclan, une menace de terrorisme facho, celui-ci, a mis la direction générale de la police en émoi. Le 26 août, dans la matinée, les flics du commissariat de Colmar, au Rhin, reçoivent un coup de fil. Le centre de formation professionnelle pour adultes de la ville les alerte. Vidéo à l'appui, l'un de ses élèves se vante auprès de ses camarades d'avoir confectionné plusieurs engins explosifs qu'il prévoit d'utiliser contre des bâtiments publics. Les poulets filent perquisitionner le pavillon de ses parents. Dans un atelier attenant, les démineurs découvrent 4 bombes artisanales, dont 3 prêtes à l'emploi. Et ce n'est pas tout. Leur dosimètre détecte de la radioactivité. Dépêchés sur place, des pompiers spécialistes du risque nucléaire dont le compteur GGR s'affole trouvent du minerai d'uranium et dans une fiole le même matériau réduit en poudre. De quoi confectionner une bombinette radiologique, point d'interrogation. Pas de celles, bien sûr, qui produisent des réactions en chaîne via une fission atomique, mais tout de même un engin qui, après explosion, pourrait propager de la radioactivité. Aux enquêteurs de la PJ, l'artificier du 26 ans explique qu'il a tout bêtement fait ses emplettes sur eBay. Sur eBay, le site de commerce en ligne, en effet, propose de l'uranium naturel sous forme de cailloux ou de poudre. Et pas de champignons, pas d'interrogation. Je rappelle que je lis le Canard enchaîné, hein. C'est pas moi qui plaisante, là. Emblème nazi. C'est la première fois en France que des policiers découvrent un objet aussi abouti de bombes sales. Ouais, parce qu'il y a des bombes propres, peut-être. Hein, les bombes envoyées par l'électeur américain. Indirectement, hein, parce que l'électeur, quand il a voté, il savait pas forcément que ça ferait ça. Sur le peuple indochinois, c'était pas des bombes sales, c'était des bombes. Voilà. L'info électrise la direction de la police qui, pour ne pas la créer la panique, décide de la garder secrète. En cas d'explosion, confie un fonctionnaire de la sécurité civile, le risque sanitaire dû aux contaminations radioactives aurait été minime. Mais l'effet de souffle médiatique garanti. Dans le studio que l'apprenti terroriste louait près du domicile de ses parents, les poulets sont tombés sur des écussons nazis et une tenue complète du Ku Klux Klan, bien en vue sur un mannequin. Le nazillon, qui après avoir été mis en examen pour fabrication d'engins explosifs, dort désormais en prison. Été suit suivi en médecine psychiatrique. Hein. Bon. Mais il était totalement inconnu des services de renseignement et de police. Un électron libre, en somme. Hein. Oui, bon, oui, on pourrait dire ça comme ça. Ouais. Ensuite, encore les petits papiers, tiens, de se retrouver sur le net. En 1980, chaque Français avait son école, sa poste. Il y avait des services publics partout, des maternités, des hôpitaux, qui couvraient tout le territoire. On avait une dette ridicule et on payait, en comparaison à aujourd'hui, très peu d'impôts. Où est passé l'argent? Où est passé l'argent? Ce monsieur, un monsieur qui porte un casque avec une visière, ce monsieur se permet de donner un coup de bouclier sur l'œil éborgné de Jérôme Rodriguez. Il doit rendre des comptes devant la justice, dit le petit papier Germain. Alors, autre petit papier encore, le patrimoine des ultra-riches en 10 ans. Britannique, plus 168%. Américain, plus 170%. Allemand, plus 175%. Français, plus 439%. Le problème, c'est les écrans plats achetés avec l'allocation de rentrée. Hein ? Une batterie de voiture électrique pèse environ 450 kg. Pour la fabriquer, il faut creuser, déplacer et traiter 225 tonnes de matières premières, dont du cobalt et du lithium. Conduire une voiture électrique ne sauvera pas la planète. On m'a retiré 320 euros sur mon allocation adulte handicapé, car je suis en couple et que mon compagnon touche le SMIC.